Sachez que la faiblesse de notre umma et le fait que les ennemis aient le dessus sur nous est un des grands malheurs que la umma doit affronter. Et que nous devons tous essayer de changer du mieux de notre capacité. Mais on ne pourra jamais arriver à réaliser cela, excepté si on arrive à bien diagnostiquer le problème. Parce que certaines personnes mélangent ou confondent entre les symptômes et la maladie de la umma. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont ce problème de mélanger entre la maladie et les symptômes. Et donc, ils se sont trompés également à cause de cela dans les remèdes qu'ils ont essayé d'amener au problème de la umma, à cause de leur mauvais diagnostic de la situation de la umma. Donc, par exemple, on trouve un groupe parmi les musulmans qui pense que la maladie, ce sont les ruses. C'est les ruses que les ennemis font contre les musulmans, ou le fait qu'ils soient au-dessus des musulmans sur le plan politique, économique et technologique ou autre. Et donc, ils ont cru que le remède de cela, c'était d'occuper et de préoccuper les musulmans par l'ennemi et par ses complots et par ses paroles et par ses déclarations. Un autre groupe a cru que la maladie, c'était le fait que dans les pays musulmans, il y avait des dirigeants injustes, et ils ont cru que le remède de ce problème, c'était de faire tomber ces dirigeants injustes et de faire en sorte que le peuple se révolte contre ceux-là. Un troisième groupe a pensé que la maladie, c'était le fait que les musulmans soient divisés physiquement. Et donc, ils ont cru que le remède à ce problème, c'était de les réunir, hein, pour qu'ils soient plus nombreux, de les réunir et de les rassembler physiquement pour qu'ils soient plus nombreux. Et uniquement pour avoir un plus grand nombre de gens rassemblés ensemble. Mais tous ces groupes se sont trompés dans leur diagnostic de la maladie et dans le bon remède à donner. Et la preuve de leur erreur est claire dans ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. ووجه خطأ الطائفة الأولى أننا إذا اتقينا الله لا يضرنا كيد الأعداء. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ووجه خطأ الطائفة الثانية أن الحكام الظلمة عقوبة يسلطهم الله على الظالمين بسبب ذنوب المحكومين. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فليس الحكام الظلمة الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم. وجه خطأ الطائفة الثالثة أن الكثرة وتوحيد الصفوف مع الذنوب لا تنفع، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ألم ترى كيف أن ذنب العجب بالعدد وبهذه الكثرة صارت هزم على الصحابة يوم حنين، وأنهم هزموا بسبب ذلك. ومن الذنوب توحيد الصفوف مع المبتدعة والصوفية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء، لأن الواجب تجاههم الإنكار عليهم، وأقل أحوال الإنكار القلبي مفارقتهم ولا مجالستهم. قال تعالى إنكم إذن مثلهم. Et donc, on peut répondre à chacun de ces trois groupes de façon suivante. L'erreur du premier groupe, c'est qu'ils ont préoccupé les musulmans par les complots et par les paroles des ennemis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que si on le craint, Et si on est pieux en nous-mêmes et qu'on fait preuve d'endurance, les ruses de nos ennemis ne pourront rien nous faire de mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous êtes endurant et que vous soyez pieux, que vous ayez de la piété, aucune de leurs ruses et de leurs complots ne pourra vous faire quoi que ce soit comme tort. Et la réponse à l'erreur du deuxième groupe au sujet des dirigeants injustes, c'est de dire en réalité que la présence de dirigeants injustes dans les pays musulmans est en réalité une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les injustices du peuple à cause de leurs péchés, à cause des péchés justement de ce peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et c'est ainsi que nous mettons des injustes au pouvoir sur des injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir aux injustes dans les pays des gens qui sont injustes et qui désobéissent à Allah à cause de ce qu'ils ont acquis comme péché. Et donc en réalité, ces dirigeants injustes ne sont pas la maladie elle-même, mais la maladie en question ici et le problème, c'est plutôt le peuple et la population elle-même. Et la réponse à l'erreur du troisième groupe qui croit que le but pour répondre au problème de la Ummah, c'est de réunir les gens physiquement et qu'ils soient unis ensemble sans que yani, ils soient sur une bonne situation ou un bon état vis-à-vis d'Allah, c'est qu'on doit savoir que le grand nombre et l'unification des rangs, alors qu'on continue à commettre les péchés et à désobéir à Allah et à son messager, eh bien ça ne peut nous servir à rien. Et on peut donner comme exemple à cela le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour de Hunayn, lorsque vous fûmes ébloui par votre grand nombre, vous avez vu que vous étiez nombreux, hein, et vous vous êtes senti fiers de ça, et vous vous êtes senti en confiance de ça, mais cela ne vous a servi à rien. Hein? Donc à cause de ce péché qu'ils ont commis, eh bien ce jour-là, les Sahaba ont perdu la bataille. Hein? Ou ils ont failli perdre la bataille. Hein? Parce qu'à un moment donné, les non-musulmans, les mouchriquins, les idolâtres, ont eu le dessus. Hein? Et c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus qu'ils ont repris en main la bataille et qu'ils ont finalement eu la victoire. Mais à cause d'un péché, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a failli leur enlever la victoire. Wa min adh-dhunub, également parmi les exemples de péché, c'est le fait qu'on essaie de réunir les musulmans et de redresser les rangs en unissant des gens qui sont dans la contradiction avec la bonne croyance islamique et la bonne pratique et le bon suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En voulant essayer de s'unir et d'unir les musulmans et de redresser les rangs en s'unissant avec les soufis ou en s'unissant avec les ash'ara ou en s'unissant avec les mu'tazila ou en s'unissant avec d'autres groupes parmi les groupes d'égarements qui sont sur la bid'a et qui combattent la sunna et qui font la guerre aux gens de la sunna et aux gens qui enseignent le tawhid. Parce que l'obligation pour les musulmans, c'est de condamner ce qu'ils disent et ce qu'ils font et de les réfuter. Et le moindre qu'on peut faire, si on ne peut pas les réfuter ou si on ne peut pas leur répondre avec science, eh bien c'est au moins de s'écarter d'eux et de ne pas se rassembler avec eux, de ne pas s'asseoir en leur présence. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sinon vous serez comme eux. Sinon vous serez comme eux. ومن هنا تعلم خطأ المقولة التي يرددها بعض الجماعات نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا أو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est-à-dire que on peut comprendre l'erreur du slogan de ces groupes et de ces partis islamistes qui disent et qui répètent constamment nous collaborons, ou nous travaillons ensemble, ou nous coopérons sur les choses dans lesquelles nous sommes d'accord, et dans les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse. Dans les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse. Même si ça fait partie des fondements de l'islam et des bases de la aqida. Et ça, c'est un grave égarement. وَهِيَ مِنَ الْأُسُسَ الَّتِي قَامَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْجَمَاعَةِ لِهَذَا تَرَى أَنَّهُمْ طَبَّقُوهَا عَمَلِيًا مَعَ الرَّافِضَةِ وَالصُّوفِيَةِ وَغَيْرِهِمَا. Et donc ça, c'est une des règles fondamentales de ce genre de groupe qui se prétend islamique ou islamiste et qui prétend vouloir établir la charia d'Allah alors qu'il refuse d'établir la charia d'Allah dans la aqida et dans les questions de manhaj et dans le suivi de l'islam. Eh bien, ils disent on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge, et ils l'ont appliqué pratiquement et concrètement même avec les sectes les plus égarés et les plus déviés de l'islam, comme les Rafidah, hein, les sectes des Shia Rafidah qui insultent les Sahaba, hein, et qui insultent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui adorent les tombes et les morts, de même que les Soufiyim qui ramènent des innovations et des bid'ahs, et qui adorent les morts et qui croient en toutes sortes de croyances de shirk et de kufr. وبعد هذا كله لقائل أن ينادي قد أبنت الأخطاء في تشخيص داء أمتنا فما التشخيص الصحيح المبني على كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيقال تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أن المصائب التي تنزل بالعباد بسبب ذنوبهم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Et donc, quelqu'un pourrait poser la question, après tout ce qu'on a expliqué, et pourrait demander, ça y est, tu as expliqué les erreurs maintenant, les erreurs dans le diagnostic des malaises de notre Ummah. Maintenant, quel est le diagnostic correct qui est basé sur le Coran, le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors, on répond que le bon diagnostic, d'après ce qui est rapporté dans le Coran et dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que les malheurs qui tombent sur les serviteurs d'Allah, c'est uniquement à cause des péchés qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et il n'y a pas un malheur qui vous atteint, excepté que c'est à cause de ce que votre main a acquis. Et il pardonne beaucoup. Parce que s'il nous donnait selon exactement ce qu'on mérite, hein, comme il dit dans un autre verset, ma taraka ala dhahriha min dab. Il a dit dans un verset, et si, yani, walaw akhadha Allahu an-nas, walaw ya'khidhu Allahu an-nas bima kasabu, ma taraka ala dhahriha min dab. Hein? Donc s'il devait prendre et saisir les hommes pour ce qu'ils ont acquis, il n'aurait laissé aucun être vivant sur terre. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Mais il leur laisse un délai jusqu'à un temps prédéterminé. Et donc c'est à cause de nos péchés et à cause de ce que notre main a acquis en tant que Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset ce qui signifie quoi? Est-ce que lorsque un malheur vous touche alors que vous avez affligé à l'ennemi le double, vous dites d'où est-ce que cela nous vient? Hein? D'où est-ce que ce malheur nous vient, cette défaite? Dis au Muhammad, à ces gens, cela vient de vous-même. Et Allah a le pouvoir sur toutes choses. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبُ وَالْبَلَايَا تَغَلُّبُ الْأَعْدَاءِ وَضَعْفُ الْمُسْلِمِينَ فمن هذا يظهر جليا ما يلي أن الداء والمرض هو تقصير المسلمين في دينهم ومخالفتهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. Donc parmi les plus grands malheurs qui peuvent toucher la Ummah, c'est le fait que les ennemis prennent le dessus sur eux, qu'ils viennent envahir leur pays, ils viennent coloniser leur pays, ils viennent prendre leurs richesses, ils viennent faire beaucoup de tort aux musulmans. Eh bien, tout ça, ça fait partie des malheurs qui nous ont touchés. Et la plus grande cause de cela, c'est les manquements des musulmans dans leur religion. Et la contradiction qu'ils ont ramenée, yani par rapport à la charia que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçue d'Allah. وَالدَّاءُ وَالشِّفَاءُ هُوَ إِرْجَعُهُمْ إِلَىٰ دِينِهِمْ الْحَقِّ. Et le remède à ce malaise et à cette maladie et à ce problème, c'est de revenir à la religion d'Allah de vérité. وأعراض هذا الداء هو غلبة الكفار وتسلطهم وتسليط الحكام الظلمة على بعض دول المسلمين. ألا ترى إلى الشرك كيف ضربت أطنابه ورفعت رايته في أكثر العالم الإسلامي؟ وألا ترى إلى التوحيد كيف يحارب في العالم الإسلامي كله خلا بعض الدول خلا بعض الدول؟ فإذا كان هذا حال العالم الإسلامي مع عظم ذنب مع أعظم ذنب يعصى الله به وهو الشرك الأكبر فكيف نريد نصرا وعزا؟ Et donc parmi les symptômes de la maladie, du fait qu'on s'est éloigné de la religion, les symptômes de ça, c'est que les koufars prennent le dessus sur les musulmans et que les dirigeants injustes yani, soient présents dans certains des pays musulmans. Et quand on regarde par exemple qu'est-ce qui se passe dans la Ummah, du fait que le shirk se propage et se répand dans presque tous les pays musulmans, excepté quelques-uns, et que la bannière du shirk est élevé dans beaucoup des pays du monde musulman. Et qu'on constate que l'appel au tawhid et la da'wa du tawhid est combattu dans beaucoup d'endroits dans les pays musulmans, excepté quelques pays. Alors si c'est ça l'état du monde musulman actuellement, par rapport au plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah, alors comment pouvons-nous vouloir ou espérer une victoire dans une situation pareille? Et comment pourrons-nous vouloir une puissance quelconque dans une situation pareille? ناهيك عن المعاصي المتعلقة بالشبهات والشهوات الأخرى فهي السائدة الظاهرة في أكثر العالم الإسلامي فإذا كنا صادقين ولأمتنا راحمين فلا ننشغل بالعرض عن علاج الداء وهو إرجاعهم إلى دينهم فلا بد من قوة الإيمان والإسلام عند المسلمين وإلا فإذا كانت ذنوب المسلمين ظاهرة شاهرة متكاثرة وكان قيامهم بالدين ضعيفا لا سيما في أمر التوحيد والسنة بأن يكون الشرك والبدع وعموم المعاصي شائعا عند المسلمين ومألوفا ويكون أهلها غالبين فإذا كان حال المسلمين كذلك فإنهم عن نصر الله محجوبون إلا أن يشاء الله بفضله ورحمته. Et ça, c'est sans parler des autres péchés qui sont reliés au désir ou aux doutes et aux ambiguïtés dans la religion. Parce que ça, c'est quelque chose qui est répandu et apparent dans la plupart des pays musulmans. Et donc, si on est sincère envers nous-mêmes et envers notre Ummah, et qu'on veut vraiment corriger la situation, eh bien on ne va pas se préoccuper des symptômes et s'écarter du vrai remède, du vrai problème. C'est-à-dire de ramener les musulmans à leur religion. Et donc il faut absolument de la force de la foi et de la force de notre islam chez les musulmans. Et si les péchés chez les musulmans sont apparents et partout et répandus, et que l'attachement à la religion est faible, en particulier dans les questions qui ont rapport au tawhid, l'unicité d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'on voit par exemple que le shirk est répandu et que les innovations sont partout, hein, répandues parmi les musulmans, et que les musulmans aiment les innovations et ce genre de choses, et que les gens qui aiment ce genre de choses sont plus nombreux que ceux qui les condamnent, eh bien, si c'est ça l'état des musulmans, alors on ne peut pas avoir une victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si Allah le veut par sa miséricorde et par sa grâce. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال ابن جرير: قلتم أن هذا، يعني قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد، أن هذا أي من أي وجه هذا، ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشركون، وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، وعدونا أهل كفر بالله وشرك. قل يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك هو من عند أنفسكم. يقول: قل لهم أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بخلافكم أمري وترككم طاعتي، وترككم طاعتي لا من عند غيركم ولا من قبل أحد سواكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie quoi? Est-ce que lorsque vous êtes atteint d'un malheur, alors que vous avez affligé à votre ennemi le double, vous dites: d'où est-ce que cela peut venir? Dis au Muhammad, aux musulmans, cela vient de vous-même. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ. Ibn Jarir al-Tabari, il explique dans son tafsir ce verset, et il dit: lorsque les croyants ont dit: d'où est-ce que cela peut venir, hein? D'où est-ce que cela vient, c'est-à-dire cette défaite, cette difficulté, c'est-à-dire lorsque vous avez dit: d'où est-ce que vient ce qui nous a atteint comme malheur le jour de Uhud, lorsqu'on a eu la défaite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu avoir cette défaite, et comment on a pu être atteint par ce malheur alors que nous sommes musulmans et que nos ennemis sont des mushrikoun, alors que parmi nous il y a le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur qui descend la révélation du ciel, et que notre ennemi fait partie des gens du kufr, qui renie l'existence d'Allah, ou qui renie l'adoration d'Allah unique, et qui fait le shirk. Dis au Muhammad, dis-leur, hein, dis à ceux qui ont cru en toi, parmi tes compagnons, dis-leur, cela vient de vous-même. C'est-à-dire, dis-leur, ce qui vous a atteint comme malheur et comme défaite, ça vous a atteint uniquement parce que vous avez désobéi à mon ordre, que vous avez délaissé mon obéissance, et cela ne vient pas de rien, de personne d'autre que vous-même. Et ça, ça a été rapporté par plusieurs d'entre les salafs comme Ikrima, Al-Hassan, Ibn Jurayj et As-Suddi. Wa qala Abu Darda, إنما تقاتلون بأعمالكم. C'est-à-dire, Abu Darda a dit: si vous êtes combattu et que vous avez une défaite, c'est uniquement à cause de vos œuvres, hein, de vos péchés. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المرضية. Donc Cheikh Al-Sa'di il a dit: Lorsque vous avez posé la question, d'où est-ce que cela est venu, cette défaite, hein, pourquoi nous avons été affligés par ce malheur, hein, dit, c'est à cause de vous-même. Lorsque vous avez disputé mon commandement et que vous avez désobéi après que vous ayez vu ce que vous aimez, hein, lorsque les croyants ont vu le butin, ils ont abandonné leur position et désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, alors ne blâmez personne d'autre que vous-même. وقال ابن تيمية وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقض إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم ونصرهم لله كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, du fait que les kuffars, lorsqu'ils prennent le dessus, c'est uniquement à cause des péchés des musulmans qui ont fait que leur foi a diminué. Et lorsqu'ils se repentent à Allah et qu'ils complètent leur foi, Allah leur donne la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Hein? Ne soyez pas affligés, ne soyez pas attristés, ne vous laissez pas battre, alors que vous êtes les plus hauts, les plus forts, c'est vous qui êtes les plus élevés si vous êtes croyants. Donc il y a la condition de la foi, et donc on ne peut pas avoir la victoire acceptée si on est des vrais croyants, et qu'on applique ce qui implique réellement d'être un croyant. وقال ابن القيم وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال تعالى وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فمن نقض إيمانه أو نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. Donc l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il explique, il dit, de même que la victoire et le support total vient uniquement pour les gens qui ont la foi complète et totale. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes nous allons donner la victoire à nos messagers et à ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où se tiendront les témoins. Et il dit dans un autre verset ce qui signifie, et nous avons supporté ceux qui ont cru contre leurs ennemis, alors ils sont devenus victorieux. Donc celui qui a une foi qui est faible, eh bien il aura une défense et une victoire aussi qui est moindre à cause de la faiblesse de sa foi, et il aura moins de support. Et c'est pour ça que le serviteur d'Allah, s'il est affligé par un malheur, en lui-même, ou en ses biens, ou parce que son ennemi a le dessus sur lui, c'est uniquement à cause de ses propres péchés. Soit parce qu'il a abandonné ce qui est obligatoire, ou parce qu'il a fait ce qui est interdit. Et ça, c'est à cause de la faiblesse de la foi. هذا سبيل عز الإسلام والمسلمين وتمكينه في الأرض فاسلكوه واجتهدوا في تكثير سالكيه ولا يغرنكم الشيطان ويخذلنكم بأن هذا الطريق بعيد منتهى تفنى العمور أو الأعمار دونه كما لبس على الكثيرين لأننا لم يأمرنا ربنا إلا بإبلاغ ما يحبه الله ورسوله والسير على الطريق النبوي ولم نطالب بالنتائج وقذف الثمار قال تعالى إن عليك إلا البلاغ ولنكن على علم أن الله لو أراد هداية المدعوين وعز الإسلام والمسلمين لفعل كما قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وكن على ذكر من أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم Serviteur d'Allah, sachez que ceci, ce que nous avons expliqué dans cette khutba, c'est la voie et le chemin pour retrouver la force de l'islam et des musulmans et la fierté pour cette umma et pour être établi sur terre. Alors si vous voulez ce résultat, et vous devez suivre cette voie et faire des efforts pour faire en sorte que le nombre de gens qui suivent cette voie soit plus nombreux. Et ne laissez pas le shaitan vous tromper, vous séduire ou vous décourager en vous disant que ce chemin est long et que ça peut prendre des vies avant d'y arriver ou de l'obtenir. Comme cela a trompé beaucoup de gens, parce qu'ils ont dit, si on attend et si on essaie d'appliquer ça, ça peut prendre des années et des années, même des siècles et des décennies. Mais il faut savoir que le but et ce que Allah nous demande, ce n'est pas des résultats. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas nécessairement la conclusion ou le résultat. Mais ce qu'il nous demande, c'est de transmettre le message d'Allah et de ce que Allah aime et de son messager, et de suivre le mieux, hein, de mieux qu'on peut, ce chemin, qui est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le résultat, ça dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, in alayka illa al-balagh. La seule chose qui t'incombe, c'est de transmettre le message. Mais yani, il faut savoir que si Allah voulait guider tous les hommes sur terre et donner la victoire aux musulmans et à l'islam, il pourrait le faire immédiatement. Il pourrait le faire sur le champ. Mais ça, c'est pour nous éprouver et pour nous tester. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si Allah aurait voulu, il aurait mis tout le monde réuni sur la guidance. Alors ne sois pas du nombre des ignorants. Allah fait ça pour nous éprouver, pour nous tester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on va terminer avec ça, lorsque vous allez vous attarder uniquement au commerce, avec parfois même des formes de choses illicites dedans, ou vous allez être satisfait de l'agriculture, hein, et vous accrocher à la queue des vaches, et que vous allez abandonner la lutte dans le sentier d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur vous une humiliation qu'il ne va pas retirer jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et donc ça, c'est yani, la leçon qu'on doit tirer de cette khutbah et de ce hadith. C'est que la seule solution pour sortir la umma de l'état dans lequel elle est, c'est de revenir à l'islam de façon générale et de s'accrocher au Coran et à la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et des premiers musulmans, les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين وانصر دينك ونبيك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك